toutes les cloches de nos églises, souillées par vos convoitises. Mais que le ciel me pardonne, qu'on ordonne, que l'on condamne, je ne rendrai pas les armes. Inquisiteur, citoyen, je ne vous dois rien. Je suis un libre penseur, un trublion. Permise, elle n'en est que plus exquise.